Chapitre 11e. Après cette journée mouvementée, les deux frères passèrent une nuit plus agitée encore. Ils se retournèrent longtemps dans leur lit d'auberge avant de trouver le sommeil. Ils s'endormirent enfin très tard dans la nuit et ne s'éveillèrent le lendemain qu'aux appels de la servante leur annonçant le déjeuner. Le soleil était déjà haut, en effet, et 11 heures sonnaient à l'église quand ils entrèrent dans la salle à manger. Comme ils s'attablaient, le facteur leur apporta une enveloppe bleue. Monsieur de la Louvière leur télégraphiait « Arriveront ce soir 6 heures avec le nécessaire. Commandez chambre et souper. » Ce télégramme, qui aurait dû les rasséréner, augmenta leur nervosité et coupa le peu d'appétit qu'il leur restait. « Le cousin parle au pluriel. Arriveront ce soir, » observa Clément. « Amène-t-il donc quelqu'un avec lui ?»« Son cocher, naturellement, » répliqua Edme. « Qui veux-tu que ce soit ?»« Mademoiselle Colette, l'accompagne peut-être ?»« Ce n'est pas probable. » Mon pauvre cadet renonce à cette romanesque espérance. Dans le cas particulier, la présence de notre jeune cousine serait plutôt gênante. L'imagination de Clément travaillait néanmoins. Il ne tenait plus en place. Et pour tromper les anxiétés de l'attente, il proposait d'aller de nouveau examiner la friche de la vignée. « Non, repartit Edme, ce serait imprudent. Il est inutile d'éveiller la curiosité des gens du pays. Puisque tu vas marcher, poussons jusqu'à la forêt et passons-y notre temps du mieux que nous pourrons. » Ils s'enfoncèrent donc dans les bois, afin d'occuper l'après-midi qui leur parut interminable. Les heures se traînaient pour eux avec une lourdeur de plomb. Quand ils virent le soleil s'abaisser et les ombres s'allonger, ils reprirent fiévreusement le chemin de l'auberge. Au moment où ils arrivaient à hauteur de la pomme d'or, un bruit de roues et des claquements de fouet résonnèrent sur la route. Bientôt, au tournant de la rue, un char à bancs parut, conduit par le petit valet de la bergerie, qui cumulait les fonctions de groom et de clocher, et le visage de Clément s'épanouit en reconnaissant sous la capote Mademoiselle Colette à côté de Monsieur de la Louvière. Dès que la voiture eut stoppé, le verrier sauta sur la chaussée. « Bonjour, mes camarades » cria-t-il en même temps qu'il aidait sa fille à descendre. « Je vous amène votre cousine, qui a voulu être de la partie. » « Oui, » ajouta gaiement la jeune fille en serrant les mains des deux frères. Je n'ai pas eu la patience de languir toute seule là-bas jusqu'au lendemain, et j'ai obtenu de papa la permission de l'accompagner. « Les filles sont curieuses, » déclara Monsieur de la Louvière. « Cette petite m'a si bien embobinée que j'ai consenti à l'emmener, mais à la condition qu'elle ne bougerait pas de l'auberge, et qu'elle y dormirait sagement pendant que nous effectuerons notre promenade. » Il tira Edme à l'écart et reprit en baissant la voix. « Les outils sont dans le coffre du char à banc. Lorsque le cocher aura mangé un morceau et donné l'avoine à son cheval, la nuit sera tout à fait venue, et il ira nous attendre à la corne du bois, où nous les rejoindrons vers 10 heures, dès que Colette sera couchée. Maintenant, mes enfants, sachez que nous avons grand faim et que nous nous promettons de faire honneur au souper. Je vais passer la cuisine, et veiller à ce que la mère Murel corse son menu. » Madame Murel faisait flamber ses fourneaux, et sachant qu'elle hébergeait des clients d'importance, elle mettait, comme on dit, les petits plats dans les grands. À 7 heures, le souper était servi dans une pièce réservée où les voyageurs s'établèrent. La présence de Colette avait suffi pour dérider Clément. Edme lui-même, réconforté par l'arrivée du verrier dans l'expérience duquel il avait une confiance absolue, oubliait ses doutes et ses appréhensions. La joviale rondeur de Jean de la Louvière, la gaieté de sa fille, rendirent aux deux frères l'appétit qui leur manquait depuis le matin, et comme le menu préparé par l'hôtesse était aussi copieux qu'excellent, le souper se prolongea jusqu'au-delà de 9 heures. Sur un signe de son père, Colette se leva enfin. « Cousin, » dit-elle aux jeunes gens, « papa s'impatiente, et il est temps que je vous laisse à votre besogne. Au retour, ne craignez pas de me réveiller. Je ne dormirai que d'un œil, et je veux être la première informée du résultat. Bonsoir à tous, bon courage et bonne promenade. » Après avoir installé sa fille dans la meilleure des chambres de l'auberge, Monsieur de la Louvière redescendit dans la salle où ses jeunes cousins achevaient leur café. « Il est temps de partir, » murmura-t-il. « Mon petit cocher Jacquinet a déjà pris les devants. J'ai prévenu Madame Murel que nous allons le rejoindre au Chanois et que nous ne rentrerions que demain. Le bourg est déjà couché et plongé dans son premier sommeil. Filons. » Ils se glissèrent dans la grande rue silencieuse, longèrent les logis aux fenêtres closes et gagnèrent la traverse. En chemin, Edme me raconta au verrier la visite à Chèvrechêne, la réception de Hennequin, les divagations de Pousse-Nuée et l'impression désagréable que ces deux personnages leur avaient laissée. Le fondeur, ajouta-t-il, a l'allure farouche et le regard trouble de quelqu'un qui ne possède pas une conscience nette. Il ne faut pas se fier aux apparences, répliqua le verrier. J'accorde que Henquin ne paye pas de mine, mais c'est un maître ouvrier et un parfait honnête homme. Seulement, il n'a pas eu de chance dans sa vie. Il s'était associé avec un fripon qui l'a ruiné aux trois quarts. Puis sa tante est devenue folle pendant l'occupation allemande et il est tombé à sa charge. Tous ses déboires lui ont aigri le caractère, l'ont rendu défiant et hargneux. On le saurait à moins. Tout en devisant, il débouchait sur le chemin de traverse et le suivait dans la direction des taillis qui avoisinent la vignée. Au-dessus de la forêt, la lune dorée et ronde montait lentement dans un ciel très pur. Sa blonde lumière inondait la campagne, éclairant distinctement les toits bruns et les blanches façades des maisons assoupies, les bleuâtres contours des collines d'en face, où se profilait le clocher du Chanois, les champs moissonnés et dans le fond, les sinuosités du coulant d'eau qu'argentait une buée transparente. « C'est ce soir pleine lune, » observa M. de la Louvière. « Nous avons de la veine. On y voit quasi aussi clair qu'à midi, et cela nous aidera considérablement dans notre travail. » Ils approchaient de la corne du bois. Dans l'ombre des halliers, on entendit quelqu'un siffler un air populaire. « C'est Jacquinet, » reprit le verrier. « Il a abrité son char à banc dans un chemin forestier, et il siffle pour nous indiquer que tout va bien. » Ils découvrirent bientôt, en effet, l'attelage derrière un gaulis de hêtre. Jean de la Louvière retira du coffre deux bêches et des pioches. « Maintenant, mon garçon, » dit-il à Jacquinet, « tu peux faire un somme dans la voiture en nous attendant. Nous reviendrons te prendre ici quand notre besogne sera terminée. » Tous trois, ayant chargé les outils sur leurs épaules, se dirigèrent vers les hauteurs de Chèvre-Chêne, enlongeant les lisières et atteignirent en un quart d'heure l'extrémité de la vignée où les touffes de gnafal dorées brillaient au clair de lune. Ainsi que l'avait prévu le verrier, on y voyait comme en plein jour. Sous le rayonnement de cette tranquille clarté, les moindres accidents de terrain s'accusaient avec une netteté merveilleuse, et dans le silence de la nuit diaphane, on entendait le glouglou flûté du coulant d'eau chanter comme une discrète musique. 11 heures sonnèrent à l'église du Chanois. Au fond d'une basse-cour, un coq, trompé par cette illumination insolite et croyant que l'aube se levait, lança un coquerico sonore auquel d'autres coqs répondirent au loin. « Allons, mes enfants, à la besogne, » dit M. de la Louvière. « Commençons par déterminer la position de terrain qu'il nous faudra fouiller. » Ed me mesura de nouveau la distance existante entre le bigarotier et les gnafales. Puis, avec sa pioche, il délimita l'emplacement approximatif où l'on devrait creuser jusqu'à la profondeur de 3 pieds. Alors, après avoir enlevé méthodiquement la couche gazonneuse, ils attaquèrent ensemble le sol sablonneux. Le fer des outils sonnait vivement sur les cailloux. Les trois travailleurs s'acharnaient à la besogne. Leur attention était entièrement absorbée par une lutte opiniâtre contre la dure résistance de la terre pierreuse. À un moment, le verrier, qui s'était appuyé sur le manche de sa bêche et s'épongeait le front, sursauta et murmura. « Hein ? Qui diantre nous arrive ?» Cette exclamation fit relever la tête aux deux jeunes gens, et tous trois ébahis aperçurent une sorte de long fantôme vêtu de noir qui se glissait entre les fûts desséchés des cerisiers, s'avançait lentement vers la friche. Quand cette étrange apparition ne fut plus qu'à une dizaine de pas, les rayons lunaires l'éclairèrent en plein, et les deux frères interdits reconnurent la tante du verrier. « Voilà bien une autre affaire, » marmonna Clément. « C'est cette folle de pousse nuée. » La maigre et longue créature continuait de marcher vers eux, les bras en avant, les cheveux épars et les yeux fixes. « C'est singulier, » observa Edme. « Elle ne semble pas nous voir. »« Elle a l'air d'une somnambule, » ajouta le verrier. Et en effet, elle était en état de somnambulisme. Sans avoir conscience de ce qui se passait autour d'elle, la malheureuse pousse nuée s'était arrêtée près de l'emplacement de la fouille. Tout son corps frissonnait, ses traits exprimaient un mystérieux effroi. Elle ébauchait des gestes de douleur et de supplication, comme si elle revivait intérieurement la terrible scène qui l'avait, en 1870, fait sombrer dans la folie. Peu à peu, ses lèvres se desserraient et laissaient tomber des paroles entrecoupées de cris d'épouvante. « Oui, monsieur l'officier, » balbutiait-elle, « la cache était là. Mais sainte mère de Dieu, n'y touchez pas, c'est sacré, c'est l'or des courrouvres. Il est défendu d'arracher à la terre le secret des morts. Mon Dieu Seigneur, vous ne m'écoutez pas. Lâchez-moi, vous me faites mal. Vous êtes des voleurs, des maudits. Entendez-vous, des maudits ?» Elle s'était agenouillée sur le sol remué, tordait ses bras désespérément et sanglotait. Le verrier et les deux frères s'étaient involontairement reculés jusqu'au CP de sol, qui les couvrait d'ombre, et là, interdits, ils assistaient sans bouger à ce pénible spectacle, quand une nouvelle algarade vint accroître leur stupéfaction et leur malaise. Des pas précipités retentirent sur les cailloux de l'ancien verger, et Jérémie Hennequin apparut soudain, à demi vêtu et essoufflé. Il venait sans doute de constater la fuite de Pousse-Nuée, et comme, vraisemblablement, il avait déjà été témoin de pareilles crises de somnambulisme, il s'était dirigé en hâte vers la friche où il soupçonnait que la folle s'était réfugiée. Il ne vit qu'elle tout d'abord, s'approcha et la prit doucement sous le bras. « Allons, allons, la tante, chuchotait-il, il est tard. Retournons chez nous. Un instant, maître Jérémie, deux mots d'abord, s'écria brusquement le verrier sortant de la pénombre. Le mouleur tressaillit à l'aspect de monsieur de la Louvière. Suffoqué, il regarda d'abord silencieusement autour de lui, reconnut les deux jeunes courouvres, remarqua les outils, la terre fraîchement remuée, et parut douloureusement troublé. « Monsieur de la Louvière, c'est-il vous ? » bégaya-t-il. « Excusez, j'étais si tourmenté de ma pauvre tante que je ne vous avais pas remis. La pauvre créature n'a plus sa tête, elle me donne bien des mots. » Et alors, différemment, « Vous aussi, avec ces messieurs, vous croyez à la cachette et vous voulez fouiller la vignée ?» Pendant ce colloque, Pousse-Nuée, abandonnée à elle-même, s'était assise parmi les décombres, et dans le silence nocturne, on l'entendait geindre doucement. « Parfaitement, nous avons résolu de pratiquer des fouilles, » repartit le verrier d'un ton sévère. « N'est-ce pas notre droit? Et la vignée n'est-elle pas la propriété de mes cousins, puisqu'ils sont héritiers de Mademoiselle Charmette Courouvre ?»« Oh !» grogna le mouleur, de plus en plus troublé. « Je ne dis pas non. C'est votre droit, messieurs, de bouleverser la friche de fond en comble. Seulement, c'est peine inutile. Vous ne trouverez rien. »« Qu'en savez-vous ? » répliqua vivement monsieur de la Louvière. Les paroles étranges échappées à la vieille somnambule l'avaient déjà rendu soupçonneux. « C'est sacré, c'est l'or des courouvres, il est défendu d'arracher à la terre le secret des morts, vous êtes des voleurs, des maudits. »« Des voleurs, oui, sans doute. Quelqu'un avait dû devancer les héritiers légitimes dans la recherche du trésor. L'histoire du conventionnel avait pu s'ébruiter depuis le temps. Des malfaiteurs avaient profané le sol héréditaire, découvert la cachette mystérieuse. Jérémie Hennequin avait peut-être été leur complice. » Son trouble semblait le dénoncer suffisamment. Cependant, monsieur de la Louvière hésitait encore à le croire coupable. Le maître verrier venait d'affirmer quelques instants auparavant la parfaite honnêteté de cet homme, et il ne pouvait se résigner à changer si vite d'opinion sur son compte. Comme le mouleur ne répondait pas, « Allons, voyons, parlez, » fit monsieur de la Louvière, impatient. « Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'y a pas de trésor dans la vignée ?»« Mais rien, » bégaya Jérémie. « Vous en avez trop dit pour vous taire à présent, mon camarade. Expliquez-vous. Il faut aller jusqu'au bout, maintenant. » Jérémie continue à garder le silence. Le verrier le prit par le bras. « Vous ne comprenez donc pas que si vous ne me racontez pas franchement tout ce que vous savez, je serai forcé de croire que vous êtes pour quelque chose dans la disparition du trésor. Car il y a eu un trésor caché ici, nous en sommes sûrs. Où est-il ? Une dernière fois, parlez. » Jérémie Hennequin comprit qu'il fallait s'exécuter. « Eh bien voilà. » dit-il. « Je n'ai pas de reproche à me faire pour ce qui s'est passé. Ma conscience est bien tranquille. Seulement, il y a des choses qu'on aimerait bien oublier. Enfin, c'était pendant la guerre, en octobre. Les Prussiens occupaient le village. Il y avait un officier qui les commandait. Une espèce de Uhlan que je vois encore, avec des moustaches rouges, son uniforme blanc, sa cravache. Il parlait français mieux que nous, et il connaissait le pays comme s'il y était né. Tous ces gens-là avaient des espions à eux qui les renseignaient. Alors, interrompit monsieur de la Louvière, pressé d'arriver au fait. Il m'a envoyé, comme qui dirait, en réquisition à Verdun avec mes chevaux. Moi, je n'y allais pas de trop bon cœur, d'abord, parce que ça m'ennuyait de rendre service à ces brigands-là, qui tuaient, qui brûlaient tout dans la contrée, et puis parce que je n'étais pas rassuré à cause de la tante, qu'elle restait seule avec ces Prussiens de malheur, la pauvre vieille. Mais il n'y avait pas à discuter. Je suis donc parti. Voilà qu'en revenant, je trouve la tante avec une figure. Elle avait les yeux égarés, elle était toute pâle, elle tremblait. J'ai tout de suite deviné qu'il y avait eu un malheur. Je lui demande ce qui s'est passé. Elle ne répond pas. On aurait cru qu'elle avait peur, même, de raconter. Moi, j'insiste. Alors elle finit par me dire que l'officier de Uhlan était revenu pendant que j'étais à Verdun, et qu'il lui avait commandé de la mener à la cachette. Elle avait fait semblant de ne pas comprendre. « Quelle cachette donc, monsieur l'officier ? Je n'en connais point ici. » Mais l'autre l'avait bousculée en la prenant par les épaules. « Allons, la vieille, je sais ce que je dis. Il y a de l'argent couché dans la terre tout près de la maison. Les gens du village me l'ont raconté, et c'est toi qui as aidé le conventionnel à creuser le trou. Tu vois que je suis bien au courant. Donc, tu vas me conduire à l'endroit, et tout de suite, entends-tu ?» Alors la pauvre tante s'était mise à genoux pour le supplier. « Mais, monsieur le capitaine, Ce n'est pas à moi, cet argent-là. Je ne peux pas vous le livrer. Prenez plutôt tout ce qu'il y a ici, si vous voulez. » Mais lui n'avait rien voulu entendre. Il l'avait menacé de la faire fusiller. Vous savez qu'avec eux, ça ne traînait pas. Il a bien fallu qu'elle obéisse, la pauvre vieille, et qu'elle lui enseigne la cachette. Alors on a fouillé la friche, on a déterré la caisse, on en a brisé la serrure et emporté les valeurs. Quand la tante m'a raconté ça, elle avait encore son bon sens, mais aussitôt après, il lui a pris une fièvre, une maladie, je ne sais pas quoi, si bien que depuis ce temps-là, elle est folle. Je vous jure, messieurs, que c'est la vraie vérité. Vous pouvez continuer de creuser, allez, vous verrez que je ne vous mens pas. « Je ne vous accuse point, Jérémie, » répliqua M. de la Louvière, qui avait reconnu dans les paroles du mouleur un accent de sincérité évident. « Mais notre devoir est de faire une recherche minutieuse et de nous rendre compte par nous-mêmes. Vous pouvez vous retirer. Nous n'avons pas besoin de vous. » Jérémie Hennequin se dirigea vers l'idiote qui, de temps à autre, poussait encore de faibles gémissements. Il l'aida à se soulever de la pierre sur laquelle elle était assise et, l'entourant de son bras, il reconduisit doucement la pauvre Pousse-Nuée vers la maison. Le groupe de la folle et du vieux paysan, qui lui servait de guide, s'effaça dans la nuit. Cependant, il était temps d'achever le travail, car le petit jour commençait à poindre. Les trois hommes se mirent à la tâche, avec une ardeur sensiblement diminuée par les révélations du mouleur, ayant tout de même hâte d'en finir avec cet irritant mystère, car ils voulaient douter encore. Soudain, la pioche d'Edme heurta une armature de fer et découvrit la cassette disloquée. Cette cassette était vide. « Jérémie Hennequin dit vrai, » fit M. de la Louvière désappointé. « Ils ont tout pris. »« Non, pas tout, » répliqua Clément, qui continua à remuer autour des débris la terre sablonneuse. « Ceci leur a échappé. » Et il éleva dans sa main une émeraude assez grosse que les voleurs du trésor avaient oubliée. « C'est peu, en vérité, » dit M. de la Louvière. « Allons. » Il faut en prendre son parti. Le nid est toujours là, mais l'oiseau s'est envolé. Nous n'avons plus qu'à rejeter la terre sur le coffret et à faire disparaître les traces de notre travail avant que les paysans matineux viennent à passer. Ils sont malins. Ils s'amuseraient trop de notre déconvenue. Reprenant leurs outils, les trois hommes recouvrirent la fosse. Les pelletés tombaient avec un bruit mélancolique sur la cassette démolie. C'était un peu comme un cercueil où gisaient leurs illusions, qu'ils étaient en train d'enterrer. Leur besogne achevée, ils revinrent vers la carriole où Jacquinet dormait à poing fermé. Ils le réveillèrent. « Allons, » fit M. de la Louvière, « on part. » La voiture se remit en marche à travers la forêt tout emperlée de rosée et frémissante de lueurs. Les trois voyageurs s'entretenaient de leurs mésaventures, pendant que le cheval trottait, mis en gaieté par la fraîcheur matinale et faisant tinter ses sonnailles. Leur contrariété se dissipait peu à peu grâce au charme de l'heure et du paysage. « Après tout, » dit Edme philosophiquement, « la plus à plaindre en tout ceci, c'est encore cette pauvre vieille Pousse-Nuée, à qui la disparition du trésor a fait perdre la raison. Nous, nous n'avons rien gagné, mais nous n'avons rien perdu. Il faut nous dire que nous avions fait un rêve et que nous venons de nous réveiller. Voilà tout. » À l'auberge, ils trouvèrent Colette déjà levée qui les interpella en les voyant arriver. « Eh bien, » dit-elle, « et le fameux trésor ?»« Voici tout ce qu'il en reste, » répondit Clément, en lui présentant l'émeraude avec un bouquet d'immortelles jaunes qui en faisait ressortir la chaude couleur transparente. « Nous vous l'offrons de bon cœur. » Et le regard qui accompagnait ces paroles voulait dire que ce n'était pas seulement l'émeraude qu'il offrait ainsi à la jeune fille, c'était aussi le don de toute son âme. Sans doute la jeune fille a dû le comprendre. Elle a baissé les yeux et silencieusement, elle a mis le bouquet d'immortelles à son corsage. Avec la belle confiance de la première jeunesse et des premières amours, Clément se plaît à interpréter le simple geste comme une réponse favorable. Colette a donc deviné le sentiment qu'elle lui inspire. Elle n'en est point offensée. Elle a peut-être pour lui quelque amitié, sa jolie cousine aux yeux limpides. Le jeune homme a senti tout à coup comme une vague de bonheur puissante et douce lui passer sur le cœur. Il a déjà oublié la mésaventure de cette nuit, la cassette vide et la recherche inutile. Il serait certes moins heureux s'il avait conquis tout l'or de Chèvrechêne. Cependant, l'espoir qui vient de naître en lui est bien fragile encore. Bien des choses le séparent de Colette. Elle est riche, du moins pour ce pays de vie simple, et lui, hélas, il est pauvre. Lui, s'y est-il bien d'élever ses vœux jusqu'à elle? Monsieur de la Louvière, tout bon parent qu'il est, n'en sera-t-il point offusqué? Autant de problèmes redoutables. Mais Clément est si jeune, et devant lui, le bouquet doré au corsage, sa cousine sourit dans la lumière de toute la grâce de ses 17 ans.